Et rebonjour à tous, bienvenue sur Radio Nos Cultures. On est toujours en Anglette au gymnase d'Apignada pour la dernière partie, dernière étape du championnat de France National 2 en zone 6, c'est-à-dire plus ou moins l'Aquitaine. Et pour ce match, je suis accompagné de Paul. Ça va, Paul? Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aracha Leon Deneri, je suis content de participer avec vous à ce dernier match de championnat. Pour un match qui promet d'être dans tout bruit. Ah, j'espère bien. Il reste 3 minutes avant ce match. Aujourd'hui, pour cette dernière, tout dernier match de la journée, du week-end et même du championnat, on va voir un combat entre les Full Metal Punket de Tarbes et les Valiant Beaches d'Anglette, qui sont aussi les organisatrices de ce week-end. Avec, si j'ai bien compris, du coup, un suspense à la clé. C'est ça, parce que le classement est assez difficile à établir, que ce soit d'ailleurs dans le foot, etc. Sauf qu'ici, on n'a pas les mêmes moyens que dans le football professionnel, donc on ne sait pas encore exactement qui est devant, mais on connaît plus ou moins les rapports de force entre les équipes. Et Full Metal Punket et Valiant Beaches, ça risque de donner un match assez intéressant. Voilà, ça va se jouer quoi qu'il en soit jusqu'à la dernière seconde dans ce match où il y a encore beaucoup d'enjeux. Et pour rappel, dans ce championnat, c'est quoi? Je crois qu'il y a 5 matchs par équipe, donc sur 2 week-ends différents. Là, c'est le deuxième et dernier week-end qu'on est en train de vivre. Et le classement se joue au nombre de matchs gagnés. Et s'il y a une égalité, ça va être au nombre de points inscrits par l'équipe. Si les équipes sont égalitaires, l'équipe qui a mis le plus de points dans le championnat va gagner. Ce qui est un cas de figure assez fréquent et qui risque d'arriver cette fois-ci aussi. Oui, parce que rappelons-le, du coup, l'équipe locale donc, qui va jouer à domicile sur cette dernière rencontre, donc c'est l'équipe Valiant Beaches, mm-hmm. qui en est du coup à 2 victoires et 2 défaites sur l'ensemble de ces 2 journées. Et donc, c'est un match qui risque d'être déterminant pour l'avenir de cette équipe. C'est ça. N'oubliez pas que si vous êtes du côté d'Anglette, de Bayonne, du BAB, de la Côte Basque, même du Pays Basque, vous pouvez encore venir, quand vous avez encore le temps de venir voir ce dernier match du championnat. Ça dure à peu près une heure et demie, c'est deux fois une demi-heure en temps de jeu. Vous avez encore le temps, on est au gymnase de la Pignada Anglette, et puis ensuite il y aura en plus un petit tirage au sort, une petite tombola. Il me semble qu'en plus c'est pas très cher, il y a énormément de lots qu'on vous détaillera au fur et à mesure des pauses qu'on fera au fur et à mesure du match. Ouais. Et vrai qu'il y a des lots, qu'il y a vraiment des lots assez intéressants. Donc c'est l'occasion de venir aussi soutenir les équipes, les joueuses, les organisatrices aussi qui donnent beaucoup de leur personne. Ouais, de venir jouer également en vous avec un petit peu de suspense à la clé. Et voilà, pour rappel, les gradins ont commencé à bien se remplir. Mmh. Il reste encore quelques places, mais c'est vrai qu'on a une bonne affluence aujourd'hui avec de l'ambiance dans les tribunes. Et des personnes qui ont soutenu les équipes depuis déjà ce matin et qui sont encore présentes maintenant, donc merci à tous. On voit les équipes s'encourager entre elles. Ouais. Ça c'est cool, c'est parti pour surtout pour s'amuser, parce que bon, sont pas des professionnels, elles ont gagné, tout ce qu'elles ont gagné c'est la gloire, même si la gloire, ouais, d'accord, c'est très important, il y a quand même une sororité entre les joueuses. Elles sont là pour s'amuser, elles sont là pour faire un beau match plus que un avant très de gagner. Bon état d'esprit, oui. Vous faites bien de le souligner, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans ce sport chez les personnes qui le découvrent, surtout pour la première fois. Il y a une très bonne ambiance et un très bon état d'esprit. Le compteur est arrivé à 0, on va bientôt commencer ce dernier match. On est parti pour une demi-heure de première mi-temps. C'est parti. Et ça va être déterminant, la première jameuse à prendre le lead va déterminer. Et c'est voilà, c'est fait. C'est Tarbes qui prend le lead dans ce premier jam. Avec du coup de jameuse qui revient et qui se rapproche de nouveau du pack. Mm-hmm. Et l'eau de vie. On rappelle que passer en première, le pack donne le pouvoir d'arrêter le jam à n'importe quel moment à la première joueuse qui le fait. Et qu'ensuite, à chaque fois qu'on dépasse une joueuse adverse, après le premier tour, ça nous rapporte un point, donc 4 points si on dépasse toutes les joueuses une fois, et 8 points une deuxième fois, etc. Fin de ce premier jam, du coup nous comptabilisons un point pour l'équipe de roller derby locale, et donc changement de pack, changement d'équipe, et on part pour un nouveau tour. Voilà, 2-1 pour l'instant du côté en faveur de Tarbes, qui a réussi et qui a à mettre ses 2 points avant de clôturer le jam et de pas trop donner de points non plus à l'équipe d'en face. C'est reparti pour ce deuxième jam. Bloody Roustek contre Et le lead qui est pris par l'équipe locale, les Violent Bitches. Violent Bitches qui prennent le lead, les Violent Bitches qui sont en noir aujourd'hui et en vert pour Tarbes. Voilà. Couleur de circonstance, hein, nous, je le rappelle, nous sommes sur un week-end de Saint-Patrick. C'est vrai, vous avez oublié ça. Espérons que pour l'équipe locale en tout cas, que cette couleur ne porte pas trop chance à l'équipe de Tarbes. C'était quand? C'était vendredi le 17, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Bonne Saint-Patrick à tous. Ça se bat, sur le track. Ça se bat. On sent que dès le début, elles ne ménagent pas leurs efforts. Pourtant, c'est quand même un sport extrêmement physique. Il faut beaucoup d'intensité. Faut beaucoup d'endurance pour ce sport. Et déjà la première. La jameuse de Valiant en noir qui est sortie, qui est en prison. C'est-à-dire que pendant 30 secondes, elle est hors du jeu. Elle ne peut plus mettre de 2 points. C'est pour ça qu'on appelle ça un power jam en faveur de l'équipe adverse, donc en faveur des Full Metal Punkettes. Parce qu'elles ont l'occasion du coup maintenant d'engranger des points assez rapidement et presque facilement, on pourrait presque dire. Tout à fait. Après, on peut voir aussi que les défenses sont bien en place sur ce début de match, qu'elles mettent particulièrement en difficulté les deux jameuses sur ce jam. Et ça attaque fort. Hein. Fin ça, du power ça jam. Très fort. Il y a déjà des chutes. Bloody Roustek n'hésite pas à rentrer dans le pack adverse. Et elle se fait ressortir. Non. Si, il se fait ressortir. Trois deuxième fois d'affilée, Bloody Roustek. On rappelle qu'au bout de 7 fautes, on est exclu du jeu. Ah oui. Et c'est ce qui réduit le nombre de participantes entières sur l'équipe. Et donc et oblige les autres participantes à jouer davantage et donc à se fatiguer plus vite. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement? Ah, ça arrive assez régulièrement. Le pire, c'est quand effectivement la jameuse est sortie, ça laisse toute l'amplitude à l'équipe adverse de mettre ses points, puisque les bloqueuses n'ont plus à se soucier de bloquer la jameuse adverse. Et leur seul travail, entre guillemets, sera d'aider le passage de leur propre jameuse. Ah, oui. Donc c'est un double effet qui se coule, comme on dit. La double peine. Double peine, voilà. 30 secondes d'ailleurs de prison à chaque fois qu'une des jammeuses ou qu'une des bloqueuses y va sur des jams qui peuvent durer au maximum j'ai bien dit 2 minutes mais qui peuvent durer bien moins puisque la jammeuse qui prend le lead peut l'arrêter quand elle veut à son avantage. Donc là pour faire un petit bilan, nous avons une jammeuse côté Valiant qui est en prison et une bloqueuse du côté de Tarbes. Et 7-5 pour Tarbes pour l'instant. Voilà la jameuse des Valiant qui revient. Ah, elle passe sur le côté, une accélération. Ouh, beau blocage de la défense. Attends. Le Bloody Roustek a pas assez ses fers. Elle va plutôt que d'essayer d'esquiver, là, elle va plutôt rentrer dans l'art. Oui, et le lead du coup est pris pour l'équipe des Full Metal Punkettes. Elle revient vers le pack, elle va essayer de repasser. Elle va pas marquer des points. Elle va s'esquiver. Défense bien en place, hein, là, le bloc entre les verts. Qui est bien organisé. La jameuse des Valiant qui arrive par derrière, qui essaie d'observer comment ça se passe. Ah, et voilà. Et voilà, donc la jameuse verte donc de Tarbes qui décide, après avoir passé le pack, et donc après avoir mis ses points, elle fait ce qu'on appelle un call, c'est-à-dire qu'elle pointe vers ses hanches pour signifier qu'elle veut arrêter ce jam-là et donc récupérer les points avant que la joueuse d'en face puisse mettre elle-même des points. On se prépare donc pour un nouveau jam. Pour le jam numéro 4, ça fait déjà 5 minutes sur une demi-heure que les joueuses sont sur le track. Et un rappel du score du coup qui est de 11 pour Roller Derby Tarbes à 5 pour Roller Derby Côte Basque. Ah, et c'est un power jam. La jameuse de Tarbes vient de prendre. Voilà, ça sera l'occasion pour le roller derby de la Côte Basque, donc les Valiant Bitches, de remonter et de faire perdre cet écart avantageux aux vertes. Écart qui est pour l'instant de 6 points, c'est 6 points, ça peut être très très facilement et donc comblé. Là, on voit bien le travail, l'effort collectif du bloc des Valiant, du coup, qui se sont mis dans une position d'aide vis-à-vis de... de l'air jameuse. Voilà, 4 points pour l'instant de la part de Elasticam. Là, l'objectif, ça va être d'en mettre le plus possible avant que la jameuse adverse puisse prendre des points. Non, non, elle a regardé sa coach pour savoir si elle devait faire un coach, c'est-à-dire arrêter le jam. La coach lui a dit que non. Et elle est à 8 points pour l'instant. Est-ce qu'elle va retenter de passer, sachant que la jameuse de Tarbes a fait son premier tour où elle ne marque pas de points. À partir de maintenant, elle va pouvoir marquer des points. Et c'est un à chaque jameuse de passer. Elle a collé juste avant d'arriver. Et combien de points ? 8 points. Est-ce qu'elle a mis 4 de plus ? 2 de plus. 2 de plus. Donc 10 points pour le roller débit Côte Basque qui passe devant avec 15 points en tout pour 11 points pour Tarbes en vert. Et donc les Valiennes qui prennent l'avantage pour la première fois de cette partie, il me semble bien, c'est non ? C'est ça, à 23 minutes de la fin de cette première manche. Ah, la coach des Valiennes qui est sur le terrain pour discuter avec les arbitres. Beaucoup de bienveillance, de l'écoute de la part de l'autre. Il reste 23 minutes sur cette première manche. 15 à 11 pour l'instant en faveur des Valiant Beaches. Et chaton vénère pour les Valiant qui essayent de passer, qui bataille. Une très belle défense. Belle accélération, elle est passée. Une belle défense de Tarbes, mais qui n'a pas suffi à la retenir assez longtemps. Les Valiant prennent le lead. Et les Valiant qui défendent aussi très très bien. Puisque la jameuse Tarbes ne vient seulement que de passer. 4 points pour Chaton Vénère. Elle fait un call, voilà. Comme disait Gwen tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un je passe et je colle. On passe une fois, on réfléchit pas, on met les 4 points, on les valide et on passe au jam suivant. Jeu très pragmatique mais efficace, terriblement efficace. Ah ben c'est quelque chose qu'on a énormément vu durant ce week-end. Peut-être juste dans le match d'avant, ce qui était très intéressant, c'était les RP Breakers qui tentaient. Une autre stratégie, même. Ouais, qui tentaient un peu plus. Elles avaient de l'avance, donc elles pouvaient se permettre aussi de perdre des points ou de perdre de l'écart. Et qui tentaient d'en mettre plus et n'a pas adopté cette stratégie, contrairement à la plupart des équipes pendant ce tournoi. Et voilà, Blue c'est un nouveau Steak. Passage. Blue Dirostek en noir qui prend l'avantage pour les Valiant, qui est suivi de très très près par Tarbes avec Sophir qui est jameuse pour Tarbes. Ah, et c'est un call. C'est un call, il me semble qu'elle a mis un point ou deux. Est-ce qu'elle a mis un point ou deux ? Deux points. Deux points pour Tarbes. Et combien de points pour les Valiant ? Zéro apparemment. Pour le moment, c'est assez équilibré. Hein. C'est assez équilibré, effectivement. Dès le début, deux équipes ont décidé qu'elles allaient gagner, qu'elles n'allaient pas se retenir. Ça va être une stratégie risquée parce que tenir deux fois une demi-heure c'est quand même très très lent, surtout en fin de week-end, en fin de championnat où les joueurs sont fatigués. Et voilà le jam qui a... Donc là du côté de la prison, qui avons-nous ? Nous avons la jameuse des Violent accompagnée d'une de ses bloqueuses. Et pour les Tarbes, nous avons une bloqueuse. Donc sur le track, on peut dire que c'était un peu plus épuré. Et voilà, on avait perdu la connexion avec la radio qu'on vient de retrouver à l'instant. C'était moi, je n'avais pas vu que ça avait coupé. Rebonsoir à tous ceux qui nous écoutent en direct à la radio sur radionoculture.wordpress.com. Pour l'instant, les Valiant, c'est les Valiant qui ont l'avantage avec 19 points contre 13. Le jam actuel vient de se terminer. Est-ce qu'il y a eu des points d'inscrits ? Paul, est-ce que tu as suivi ? Il me semble que non. Que les Valiant avaient pris le lead, mais que ça ne s'est pas concrétisé. Alors, je vois deux points pour Tarbes. Il faut regarder l'arbitre. Chaque jameuse a une arbitre référente. On peut voir la couleur de la jameuse qu'elle suit avec une espèce de brassard qu'elles ont au poignet. Et à chaque fin de jam, ou à chaque passage de points, en tout cas, elles vont lever la main en donnant le score de ce passage. Donc on peut remarquer parfois que la jameuse retourne en arrière. Une fois qu'elle a franchi les lignes noires, j'ai pu remarquer ça. Absolument, c'est parce que quand la jameuse se fait sortir par l'équipe adverse, elle ne peut rentrer sur le track que derrière les bloqueuses de l'équipe adverse. Alors les bloqueuses de l'équipe adverse, pour lui faire perdre du temps, vont reculer et donc obliger la jammeuse qui a été sortie à repartir en arrière pour pouvoir repartir en avant. Ça fait perdre beaucoup de temps, c'est ce qu'on appelle un recyclage. D'accord. Elles y laissent aussi de l'énergie, hein, parce que c'est vrai que quand on les voit tomber au sol, devoir repartir 6 mètres en arrière pour repartir vers le bloc. Exactement. Quelle dépense d'énergie, même. 23-13, je vois 4 points de plus, c'est ce que ça va faire. Encore 18 minutes dans cette manche, dans cette mi-temps. Pour les Valiantes pour l'instant. Petit break, tout petit break de la part des Valiantes, hein, parce que Elastikam qui s'est passé, qui s'est fait sortir. Elle s'est fait sortir, voilà, elle recule jusqu'à arriver derrière la bloqueuse adverse. Voilà, ça se bagarre. Ça pousse, quelle belle défense. Hein. Elle passe quand même, et donc Elastikam prend le lead pour les Valiantes. Alors que l'eau de vie bataille aussi, il y a une très belle défense des deux côtés. Hein. Aïe. Ça veut pas vraiment. Sachant qu'une des bloqueuses de Tarbes est en prison en plus, ça va pas tarder à revenir, je crois. Ouais, léger avantage pour les Valiantes, mais pour le moment, qui n'est pas très productif. Et voilà qui est passé. Elastikam qui passe et qui prend qui met les 4 premiers points de ce jam là en faveur des Valiant Bitches. Et l'eau de vie qui la suit derrière. Elles ont déjà l'air fatiguées, ces jammers. C'est vrai que ça commence très très fort sur ce match. Ouais, nous le rappelons du coup qu'elles ont en plus chacune déjà joué un match dans ce week-end. Un match hier, donc il y a les courbatures, il y a parfois quelques blessures. Et puis c'est la fin de la saison. Finalement, elles jouent le championnat, donc c'est deux gros week-ends pour elles, mais aussi tous les matchs amicaux, parce qu'on est d'abord là pour s'amuser, donc il y a pas mal de matchs amicaux. Je crois qu'elles jouent à peu près une fois par mois, une fois tous les deux mois grand maximum. Tout à fait. Et c'est comme on disait, c'est un sport assez exigeant, donc ça laisse des traces. Et donc rejouer deux matchs sur le même week-end, c'est difficile, surtout que là, c'est le dernier match du championnat de la journée, et donc elles ont tout donné dès le début. Et elles ont bien raison, parce que c'est le moment de prouver qu'elles sont les meilleures. Tout à fait, surtout qu'elles sont aujourd'hui à domicile pour ce dernier match du week-end avec un public chaud bouillant. Voilà, on entend les cris, les encouragements, et c'est validé. C'est validé pour Chaton Vénère, pour les Valiantes qui a été bien assisté de ses coéquipières, qui a réussi à passer jusqu'au dernier moment. C'était pas encore assuré. Jusqu'au dernier moment, ils ont bien défendu du côté de Tarbes. Oh, elle repasse. Très joli, oui, passage. Chaton Vénère qui repasse en prenant l'intérieur du track. Et qui marque ses 4 premiers points. Sur un patin en plus, hein, sur 2-3 mètres. Il y a très peu de place. On rappelle que si elle touche le sol extérieur avec son patin, avec une main, avec quoi que ce soit, elle est obligée de retourner en arrière. Et voilà qu'elle repasse encore une fois. Donc 8 points. Voilà, un beau jump pour les Valiantes qui va leur permettre de prendre un peu d'avance. Et donc la jammeuse de Tarbes qui passe son premier tour. Ouais. Ouh là là là là là là. Il y a une chute du côté de Tarbes. Ouais. On va faire attention à ça. Le jeu est arrêté. Elle a l'air d'être mal tombée. Elle a dû se faire mal au dos, j'ai l'impression. Ouais. Là c'est au niveau de la nuque, il me semble. Hein. Toi qui es infirmier, tu as l'œil pour ça. Ouais. 39 à 15. On va faire une petite pause dans le jeu, le temps de s'assurer que la joueuse va bien. Et s'il le faut, de la sortir du track. Et voilà, de l'évacuer, la mettre en sécurité. Exactement. En attendant, on peut peut-être vous parler des lots. De la tombola. Qui a gagné à tombola. Ça va être se marquer à 15h. Ça va être après ce match, selon le temps que ça a duré. Mais alors, Mathilde, qu'est-ce qu'il y a à gagner à cette tombola? Il y a énormément de choses à gagner. Et c'est vraiment, il y a énormément de choses à gagner. J'ai l'impression qu'il y a quoi au moins une bonne dizaine de lots. Ouais. Je dirais une bonne dizaine de lots. Je vois, en cette période de Saint-Patrick, déjà un lot de 6 bières. Voilà, ouais. De Rosnibière, qui est la bière que vous pouvez goûter au stand, à la buvette, à l'entrée. Il y a des entrées pour les fêtes de Bayonne, parce que je te rappelle, Paul, que les fêtes de Bayonne sont payantes. Ah. Maintenant, c'est quoi, vendredi, samedi, dimanche, je crois que c'est payant. Donc dans le même lot, deux entrées au feu de Bayonne et des Bandanas Valiant Beaches, deux repas de Riri Chopinondo, un bon de 30 euros à la cabane de plage Océanoa. Voilà qui nous fait rêver. Hein. Un coffret grande création parfumée du thé des docks, un lot de 4 bières Rosny, de 6 bières Rosny. J'arrive pas à lire, c'est un peu petit. De 6 bières Rosny, deux lots de casquettes et t-shirts Esda Hawaii, qui sont un peu les sponsors, j'ai l'impression, habillement des Valiant. Il y en a beaucoup qui, on les voit souvent avec des casquettes et des autocollants sur leur casque. Mais il me faut des tickets de tombola, alors où est-ce que je peux les trouver, Mathieu? Ah, ben c'est une bonne question. Il me semble que c'est à l'entrée du gymnase. Vous y allez, vous demandez. Si c'est pas là-bas, elles vont vous rediriger, mais il me semble que c'est ça. Je connais pas le prix, je crois que c'est 2 euros, 1 euro ou 2 euros le ticket. 2 euros, c'est ça, oui. 2 euros, donc ouais. N'hésitez pas à en prendre quelques-uns. Ça fait toujours plaisir de gagner ce genre de lot. Et en plus, c'est une manière assez simple de soutenir les équipes qui ont des frais d'organisation ici ou de déplacement pour les équipes qui sont venues parfois de loin. Ah. La joueuse qui s'est relevée, ouais, va quitter le track sous les applaudissements du public. Bon, ça a l'air d'aller quand même. Elle ressort sur ses patins. Elle va être prise en charge par l'équipe et nous allons pouvoir reprendre le prochain jam. Jam numéro 11 qui est en train doucement de se préparer. Peut-être que Tarb aussi prend un peu de temps pour revoir sa stratégie avec une chose en moins. Vous pouvez applaudir, effectivement, vous pouvez applaudir toutes ces joueuses qui se donnent ici, en prenant le risque de se blesser, ce qui arrive un peu trop souvent d'ailleurs, malheureusement. Mais voilà, on peut aussi féliciter les équipes bénévoles comme les médics, tous les arbitres également qui sont présents. Tous les arbitres, il y en a beaucoup. Et il y en a. Mais on peut aussi saluer les gens qui sont à la buvette, les gens qui sont à l'entrée, les photographes, les monkey track que je vois là-bas, qui sont chargés de remettre du scotch sur le track, qui se fait défoncer petit à petit. Petite dédicace à Richou. Petite dédicace à Richou, qu'on salue bien bas. Voilà. Les joueuses sont réentrées sur le track et c'est parti pour le 11e jam de cette première période, alors qu'il reste 15 minutes, donc la moitié du temps de cette première manche. Et nous repartons avec un rythme toujours aussi effréné. Hein. C'est ça, elles ont eu aussi peut-être un peu trop de temps pour se refroidir, il va falloir s'y remettre en faisant attention à ne pas y être trop fort non plus. Ne pas trop se blesser. Pour l'instant, je rappelle qu'on est à 39 pour les Valiant Beaches contre 15 pour les Full Metal Punkettes de Tarb. Et les Valiant qui ont pris le lead et qui viennent également de faire leur premier tour. Donc 4 points. 4 points à mettre au crédit de Bloody Roustek et de ses coéquipières. Et alors qu'on a une bloqueuse de Tarb en prison qui va pas tarder à sortir et qui a été rejointe par une bloqueuse de Valiant Beaches. Ça, les fautes et les blessures, voilà, en fin de championnat, c'est quelque chose qui va arriver, surtout que là, elles ont tout à gagner et plus grand chose à perdre. Donc, c'est le moment de risquer des choses. Et parfois, plus on est fatigué également, hein, moins on maîtrise ses gestes. Moins attentif, peut-être un peu plus frustré parfois. Et donc, ça amène parfois à des prises de risques qui peuvent être dommageables. Pour rappel, ne jamais jouer à la tombola le ventre vide. Non, hein, voilà, comme exactement. Le dit le dicton. Tombola, avant tombola, vous prenez un bon talo, vous allez prendre une bière, un café, un thé, ce que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, vous allez chercher à peu près 4 ou 5 tickets tombola par personne. Et comme ça, vous êtes sûr que vous avez vos chances. Alors, revenons en jeu. Les Valiant qui sont un total pour l'instant de 12 points engendrés sur ce jam. Nadmax avec ses coéquipières bloqueuses qui bloque la jameuse et qui recule pour la faire rentrer un peu plus tard sur le track. Et 4 points supplémentaires suivis d'un col. Voilà, et l'eau de vie, qui a l'air jameuse qui a l'air fatiguée, qui a très très bien été bloquée par les trois bloqueuses, par le pack des Valiant. Donc là, c'était un beau score, Mathieu, hein, pour ce jam. Pour 16 points, c'est un très beau score, 16 à 0. C'est un très beau score, ça permet aux Valiant d'assurer un peu leur avance à 55 points contre 15. De faire le break, je ne sais pas. C'est comme ça qu'on dit le break. Dans quel sport est-ce qu'on dit ça? Au tennis, par exemple. Allez, un nouveau jam. avec Elasticam qui est devant. Belle défense de l'équipe de Tarbes. Mais des deux côtés, aucune des deux jammeuses n'arrive. Elle arrive à passer et c'est. Est-ce qu'elle est passée? Est-ce qu'elle est passée? Oui. Elle est passée. Donc Elasticam qui a réussi à passer, donc qui prend le lead et derrière Sophir qui à son tour a réussi à franchir le pack. Mm-hmm. Qui va du coup la rejoindre à moins qu'elle ne colle. Pour la jameuse des Valiantes. Elasticam qui truc. Ah, Elasticam qui. Ah. Qui est collé. Elle ne pouvait pas parce qu'elle a fait une faute. Elle a fait une faute, elle va donc. Ça l'a privé en fait de son pouvoir de colle. Voilà, on est donc. Ah, on va être en power jam parce que les 30 secondes de prison sont évidemment reportées sur la jam suivante. On va être en power jam du côté de Tarbes. Ça veut dire que là, l'objectif c'est de prendre le lead. Pour pouvoir contrôler son jam et contrôler la fin du jam surtout. Et ensuite, une fois que le lead est pris, d'enchaîner les tours pour emmagasiner des points et réduire cet écart qui est entre les deux équipes. Alors qu'il reste un peu moins de 12 minutes sur cette première manche. Voilà, l'entrée des deux jammeuses. D'un côté, Chaton Vénère et l'eau de vie pour Tarbes. L'eau de vie qui, j'ai l'impression, joue beaucoup aujourd'hui. Voilà, Matine, j'ai pris aussi quelques nouvelles de la joueuse qui était sortie tout à l'heure. Bon, visiblement, tout va bien et elle revient sur le track. On est content de la revoir. Vous pouvez applaudir. Vous attaque qui revient sur le terrain malgré sa blessure. On ne vous entend pas beaucoup. Vous pouvez applaudir. Et applaudir les deux équipes, d'ailleurs. Ce dernier match de la journée, c'est le moment pour vous aussi, dans les gradins, de donner tout ce que vous avez. J'ai dit de donner tout ce que vous avez. Voilà. S'il n'y a pas une extension de voix dans les gradins, je serais très fâché. On attend mise au point entre toutes les équipes pour ce nouveau jam. 13e jam, si je ne dis pas de bêtises. 12e jam. Il est marqué 12, je ne sais pas si ça passe à 13 après. Si vous nous rejoignez sur l'antenne, nous rappelons du coup que nous sommes au gymnase des Pignadas à Anglette, mm-hmm. en train du coup de commenter le dernier match du week-end de roller derby en championnat qui oppose du coup les Violent Beaches aux équipes de Tarbes. Violent Beaches d'Anglette, au Funta Punket de Tarbes, on est en National 2. C'est le tout dernier match du championnat. Il va être décisif pour les deux équipes pour pouvoir monter au classement. Et les deux jammeuses sont coude à coude et qui vont très très très vite les deux. 4 points pour l'instant du côté des Valiantes sur ce jam. Et voilà, elle a tenté quand même, Chaton Vénère a tenté, elle est passée et dès qu'elle a pu mettre ne serait-ce qu'un seul point sur ce tour-là, elle a fait un call pour empêcher son adversaire d'elle-même marquer. Et donc elle a mis 3 points sur ce deuxième tour. Et donc 7 points en tout sur ce jam et 66 points en tout. Pour les Valiant Beaches contre 21 points pour Tarbes. Oui. 10 minutes sur cette première période, il reste 10 minutes et tout de suite sur ce nouveau jam, Bloody Rooster qui prend le lead très très vite. Un seul homme de facilité sur ce jam là. Cela dit, Sophir en face qui fait quasiment la même chose, qui est vraiment sur ses talons. Ouh. Sophir qui s'est fait bousculer. Oui. Est-ce qu'elle est sortie? C'était un bouchon, hein, un beau bouchon, comme on dit dans le jargon. C'était un sacré bouchon. Elle a essayé de passer à l'intérieur du track, mais elle s'est fait repousser à l'extérieur. À partir du moment où elle touche le sol, elle est en jeu. Il va falloir qu'elle repasse derrière tout le bloc adverse pour pouvoir re-rentrer sur le track, ce qui fait perdre énormément de temps. Surtout sur le bloc arrière, en profite pour reculer et lui faire perdre encore plus de temps. Jam numéro 15, reste 9 minutes 30 sur cette première période. On est à 65 contre 25. Ouh là là, le carambolage. À la faveur de Van Beaches. Ça se bouscule beaucoup. Il y a une pénalité, une des joueuses de Violent qui se retrouve au frigo. Une des bloqueuses, c'est exactement en prison pour une période de 30 secondes. Et là, ça ne marche pas. Mais le lead qui est pris par l'équipe de Tarbes. C'est passé. Et l'eau de vie qui passe, malgré une belle défense, mais avec une belle assistance de son équipe à elle. Et donc un star là, pass. On a eu un star pass du côté des Valiens, c'est-à-dire que la jammeuse passe son chapeau étoilé à une autre joueuse, à la pivot exactement, et la pivot se transforme instantanément en joueuse étoilée. Il faut savoir qu'en faisant ça, on perd automatiquement le lead. Donc c'est quelque chose qui se fait rarement quand on est premier, qui se fait plus souvent quand... Une manœuvre de défense, quoi. Voilà, quand le lead est... quand le lead est déjà pris. Ça peut être aussi une technique de confusion pour l'autre équipe, puisque celle qui enlève son étoile de son casque va essayer de le donner, mais ne va pas forcément le donner, elle peut le récupérer. Et si ça sème un peu le trouble dans les techniques de défense adverse. Exactement. Donc là, nous avons... Un official timeout, c'est-à-dire que les arbitres vont discuter de détails techniques, on va dire, de ce qui se passe, peut-être discuter de certains points qui ont été joués, discuter de certaines stratégies d'arbitrage, parce qu'il faut quand même une sacrée stratégie, il faut être bien en place pour suivre tout ce qui peut se passer sur ce track. Et donc, il faut parfois remettre... dire aux arbitres de faire attention à ça ou à ça. Ouais, une cohésion dans... Voilà, une... Exactement. C'est un peu la troisième équipe qui est sur ce track, finalement. On rappelle, pour les joueuses qui ne sont pas encore rentrées chez elles, parce que certaines habitent un peu loin, elles ont dû rentrer à Albi, par exemple, ou Bordeaux, je pense qu'elles ont dû rentrer, elles ont quelques heures de route. On rappelle pour les joueuses qui sont encore présentes et ceux qui voudraient... essayer, ou même les joueurs, les quelques joueurs de Roller Derby qui sont présents, qu'il y a un stand de matériel en présentation et en vente sur les gradins, à l'entrée des gradins du gymnase. C'est un magasin qui s'appelle le Birdies Quad Shop, et il y a énormément de choses, c'est tout joli, il y a plein de couleurs. Oui. Moi j'aime bien, moi qui roule pas, j'avais quand même envie d'acheter quelque chose. Bah, moi j'ai un autre Roller Derby tout court, oui, pour le ça. Droit d'acheter, hein. Bon, même si apparemment c'est pas réservé à ceux qui jouent au Roller Derby, mais ça donne envie de s'y mettre. Hein. C'est très très beau, et donc faut pas hésiter à aller voir ce qu'il y a là-bas. 68 à 29 pour les Valiant Beaches qui prennent doucement mais sûrement le large. Voilà, je rappelle le double objectif des matchs. Le premier, c'est de gagner. Le deuxième, c'est d'engranger le plus de points possible dans l'éventualité d'une égalité avec une autre équipe. Donc, juste gagner n'est pas suffisant. Il faut toujours essayer d'aller toujours plus loin et de mettre toujours plus de points. Il reste 8 minutes et 23 secondes sur cette première manche qui est quand même très disputée. L'écart n'est pas non plus extrêmement important. Hein. Absolument. On peut rappeler que sur un ou deux jams, on peut engendrer 16 points sur un jam, donc on peut vite mettre 3 points sur 2 ou 3 passages. Voilà, moi je me souviens avoir déjà vu, il me semble, des jams à 22 ou peut-être même 24 points, si c'est bien fait, si c'est un power jam, etc. Mais 24 points, ça peut on se souvient tous de creuser l'écart. Cette fameuse manche en 2003 où l'équipe de Cambo avait mis 40 points. Donc c'est tout à fait extraordinaire, donc pourquoi pas. La fameuse équipe de Cambo, c'était qui s'appelait Les Valiant Camboards. Voilà, vous pouvez les chercher sur Facebook, ils sont bien cachés, mais vous pourrez peut-être les trouver. 68 à 29, c'est reparti pour le 16e jam de cette première manche. Voilà, Chaton Vénère qui prend le lead pour les Valiant Beaches. Et alors que derrière ça se bat... Les Van Beaches font un beau travail de défense. Et Nadmax qui fait un très bel effort défensif. Hein. Nadmax qui défend très très bien. Qui l'arrêt buffé. Mais c'est dans les règles, il n'y a pas de pénalité. Mais c'était impressionnant. Il me semble que Cotelette s'est un peu fait mal aux dents, quelque chose comme ça. Elle s'est touchée. En général, c'est plutôt les côtes. Hein. Peut-être oreille. Alors Cotelette qui porte ce nom-là, puisque lors de son premier match, elle s'est cassée une côte. Alors, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et lors de son deuxième match, il me semble également qu'elle s'est fait une côte. C'est tout à fait possible. 8 points pour l'instant engrangés par les Valiant Beaches, qui sont en power jam, alors que la sueur revient sur le terrain après avoir été en prison. Elle arrive à toute vitesse là. C'est ça. Avec la maîtrise. Là, c'est vraiment le moment d'engranger des points. Les bloqueuses vont essayer d'aider leur jammeuse à passer. Voilà, ça y est, c'est parti. Voilà. Et elle passe et elle colle directement Elle pouvait continuer et essayer de mettre plus de points, mais là le but ça va être d'être en power jam dès le début du jam suivant et comme ça de prendre le lead beaucoup plus facilement. Puisque prendre le lead est presque plus important que de mettre des points. Presque, évidemment. Là on rentre de suite dans une analyse un peu plus fine, plus stratégique. Ah voilà, là évidemment il fallait voir les tableaux, les tableurs Excel, etc. pour bien comprendre tout cet aspect-là. Mais merci Mathilde pour cette analyse et merci de nous faire profiter de notre science du jeu. Ah bah écoutez, après quelques matchs, on commence à comprendre les subtilités de ce jeu. Ah, de ce sport. Hein, on a un team timeout, je ne sais pas quelle équipe l'a demandé, il me semble que c'est les Valiant team timeout, ouais. C'est l'équipe qui décide de prendre une minute, pas plus d'une minute, pour essayer de se recentrer. Ça peut être pour revoir une stratégie, pour se remotiver, pour discuter de ce qui se passe sur le terrain, de mettre des choses au clair, etc. Peut-être conforter une stratégie, peut-être en changer. On voit les Monkeys également qui viennent remettre du scotch. Oui. Semblerait qu'elles aient mis fin à leur mouvement de grève. C'est ça, Monkey mais Track, bon. qui font un travail admirable en vérifiant chaque centimètre des deux côtés de ce track. Bravo Monkey Track. Mm. Nous t'observons et nous te félicitons. Voilà, les joueuses se remettent en place. Pour le jam qui arrive. En power jam, du coup. En power jam, c'est ça. Donc c'est Body Roustek qui va être la seule jammeuse et qui va essayer le plus vite possible de prendre le lead et ensuite d'engranger le plus possible de points pendant que la jammeuse adverse est en prison pour une durée totale de 30 secondes. Mais je sais pas, elle a dû faire la moitié jusqu'à maintenant, je pense. Donc il doit rester quelque chose, moins de 10 secondes, il me semble. Et voilà, on prend le lead assez facilement. Les bloqueuses des Valiant ont bloqué les bloqueuses de Tarbes et donc on laissait. Retour de la jammeuse de Tarbes également. Sur le terrain. Sophir. A été sortie. Sophir qui a été sortie. Ouais. Belle action de défense là, de la part des Valiant. Ça se bouscule beaucoup. Entre les bloqueuses qui essayent. Les Valiant qui essayent de bloquer les bloqueuses adverses pour laisser un passage, une avenue à leur jammeuse Boudé Roustek. Ouh, belle percussion. Ça percute. Elle passe. Elle passe. Le lead est déjà pris. C'est 4 points de plus. Tout à fait, pardon, Mathilde. Le lead était déjà pris. C'est 4 points. 4 points pendant que Sophir s'est fait recycler. Et donc, elle revient en arrière. 4 points pour l'instant. Il me semble que Sophir n'a pas fait encore son premier passage. Nouveau recyclage. Non. Pénalité. Au frigo. Voilà, donc Power Jam à nouveau en très peu de temps. C'est Sophir qui malheureusement pour elle a fait une faute et qui réoffre un Power Jam à l'équipe adverse. Qui va essayer de mettre 4 à 4 points et va faire certainement un call pour avoir le Power Jam en début de jam suivant. Parce qu'il est au bout des Roustek. Oui, on commence à voir sur les visages aussi un peu de fatigue. Hein, voilà. Et là, vous voyez les joueuses vertes qui reculaient très vite, c'était pour empêcher la jammeuse noire de la rattraper et donc de marquer des points. Elle est passée, donc 4 points de plus, elle ne colle pas, elle a décidé de continuer et d'essayer d'engranger encore un peu plus de points. Est-ce qu'elle va y arriver? Ça commence à fatiguer là, on sent qu'il y a un peu moins. C'était un call après avoir marqué 4 points de plus. 4 points de plus, un call, mais entre temps, il y a eu le retour de la jammeuse de Tarbes, donc les Valiant Beaches ne vont pas commencer en power jam. Non, pas 12 points, 11 points pour les Valiant Beaches sur ce jam-là. 11 points, c'est très bien. Surtout qu'elles ont une avance assez confortable. Et donc là, l'objectif sera simplement de creuser l'écart encore et encore pour s'assurer, un, de la victoire et deux, comme je disais tout à l'heure, pour s'assurer peut-être un meilleur classement par rapport à une équipe qui aurait les mêmes statistiques de victoire et de défaite. Voilà, sachant que là, du coup, il va falloir encore tenir un petit peu moins de 5 minutes avant la mi-temps. Donc, ça va être un dernier effort pour les deux équipes. Voilà, un official time-out qui a l'air de se passer dans la bonne humeur avec les deux coachs et les arbitres qui ont l'air c'est la beauté de ce sport. Qui ont l'air de rigoler. Voilà, elles sont là pour s'amuser avant tout. Hein. Il y a des coups, mais derrière on va quand même. On voit des sourires dans tous les coins du track. Malgré des efforts intenses et des impacts surpuissants, c'est pas rare de voir des joueuses adverses rigoler quand la Jamaïque, par exemple, essaie de passer, que se fait bloquer, que, le, et que la tension se crée, que la fatigue arrive, de les voir rigoler entre elles. J'ai déjà eu entendu dire que, qu'une des Jamaïques aurait dit « Oh, tu fais chier, laisse-moi passer. » Mais cela ne nous regarde pas. Exactement. Tout à fait, vous avez bien raison. C'est parti pour un nouveau jam. Les deux jammeuses s'élancent. Elles sont ouh, la belle défense. Oh, le lead est rapidement pris par les Valiantes. Par les Valiantes et les bloqueuses des Valiantes qui font un très beau travail. Hein. Très beau travail. On peut noter la dextérité de ouais. Nadmax qui ne laisse pas passer. Qui l'ont poussé à un recyclage, du coup, voilà. Également. Nadmax qui est sur tous les fronts. Oh, et c'est passé. Voilà, Elasticam qui est passé avec l'aide de Vicious Nenette qui l'a poussé. Parce que c'est possible aussi de pousser ses coéquipières pour les aider à prendre de la vitesse ou des choses comme ça. Une petite lancée propulsion, quoi. Exactement. Et donc là, elle a marqué 4 points pour les Valiantes pour l'instant. Et voilà, c'est un call. Donc C'est un call parce que la jamaise adverse arrivait derrière et qu'elle était sur le point de marquer ses propres points. Donc on préfère coller. Mais 8 points, c'est très très bien. Tout à fait honorable. Voilà. Généralement, on essaye de. Une fois qu'on a les 4 points, on ne prend plus aucun risque. Et on colle, et si jamais on prend 8, on en prend 8, mais on ne doit pas prendre beaucoup de risques une fois qu'on a les 4, surtout que là elles ont creusé l'écart et là le problème sera surtout d'essayer de ne pas prendre de points. Ça sera ça l'objectif, je pense, des Valiantes à partir de maintenant. Voilà, sachant que pour rappel, en fait, il y a encore du suspense sur le classement final. Donc, en fait, tous les points vont compter. Mmh. Donc là, pour eux, il ne s'agit pas juste de maintenir l'écart, mais vraiment d'engranger le maximum de points. Voilà, on a un team time-out, il me semble, demandé par les joueuses de Tarbes. Une petite time-out qui dure une minute, grand maximum. On le disait tout à l'heure, c'est pour recentrer, pour revoir des stratégies, pour se remotiver aussi parfois. Pour refaire une cohésion d'équipe. 103 pour le 103 pour les Valiant Bitches d'Anglet, 29 points pour les Full Metal Punkettes de Tarbes. Voilà, les Valiant Bitches qui ont une avance assez confortable. Je pense pas que les risques vont venir d'elles. Peut-être qu'en fin de match, quand elles vont vraiment un peu plus s'amuser, ça va peut-être tenter des choses. Et à 3 minutes de la mi-temps, petit conseil gastronomique, peut-être au niveau d'une stratégie adoptée concernant les talots. Alors, c'est peut-être le moment les talots pour les plus affamés de descendre les gradins et d'aller réserver ses premiers talots. Tout à fait, il y a de l'avantage, il y a du fromage vegan. Alors moi, mon petit plaisir à moi, c'est le fromage vegan au cheddar avec de l'avantage. Ah, le mélange est succulent. Ah. Le fromage vegan qui fond très très bien, c'est très très bon. Et le lead qui est pris par l'équipe de Tarbes sur peut-être cet avant-dernier jam, hein, si je ne me trompe pas. Oh, il y aura un peu plus que ça, je pense, puisque si les jams font 2 minutes maximum, c'est souvent arrêté bien avant. Parce que 2 minutes de jam, c'est très long pour les joueuses. Ouh, Larry Buffet. Voilà, Nadmax qui ne regarde même pas en arrière, elle a sorti la jameuse adverse Sophie, elle ne regarde même pas en arrière, elle sait qu'elle a sorti, donc elle s'avance ou elle recule plutôt sur le track pour la faire reculer. Voilà, Nadmax qui fait vraiment un travail de défense admirable pendant que de son côté, Elasticam a pris quelques points, non, pas, elle a pas pris de points, c'était son premier tour, donc 4 points, pardon, pour l'instant sur ce jam. Pour l'équipe de Tarbes. Pour l'équipe de Tarbes. 103 à 33 pour l'instant, avec les Valiant Bitches en tête. Alors qu'on est à 2 minutes 30 de la fin de cette première manche. Ouais, si vous êtes dans votre voiture en train d'écouter la radio, que vous voulez continuer, ou si vous êtes dans les gradins et que vous voulez un son peut-être un peu plus clair que ce qu'il y a dans le gymnase, radionoculture.wordpress.com, vous mettez ça dans les oreilles, un peu de latence, mais pas tant que ça. Vous verrez, c'est plutôt sympathique. Oh, et le lead qui est pris par les Valiantes. Ouais, avec une petite esquive de l'épaule de Chaton Vénère. Voilà, et l'eau de vie qui est la jameuse pour Tarbes qui finit par passer. Voilà, elle fait son premier passage. Chaton Vénère qui marche ses 4 premiers points. Chaton Vénère qui est tombé mais qui est resté sur le track. Donc, elle peut continuer. Elle s'est relevée, elle a gagné ses points. Et comme je disais, 4 points, elle ne prend pas de risque, elle arrête le jam. Et c'est toujours 4 points de plus dans l'écart qui est entre les deux équipes. 107, stratégie pragmatique. 107 à 33 pour l'instant pour les Valiant Beaches. Et un petit rappel que après ce match-là, il y aura donc le tirage de la tombola. Vous pouvez prendre vos tickets à l'entrée, mais je vais me taire puisqu'il y a Bloody Roustek qui a pris le lead sur ce jam pour les Valiant Beaches. Pendant que c'est Sophir qui se fait recycler, donc qui finalement fait son premier tour. Et les deux équipes qui reviennent du coup au nombre maximum sur le terrain, parce qu'il y en avait deux en fait qui étaient en prison. Mm-hmm. Ce qui a permis donc d'ouvrir les espaces aussi pour les Jammers. Voilà, Bloody Roustek qui a réussi à mettre 4 points malgré le fait que les joueuses adverses reculaient à toute vitesse pour l'empêcher de les dépasser. Ça a presque marché, ça n'a pas suffi malheureusement pour Tarbes. Elle a quand même mis 4 points et fait un call de sécurité. Je pense qu'elle commence aussi à être fatiguée. Il reste 23 secondes sur cette première manche. Et certainement, du coup, le dernier jam de cette première manche. Peut-être l'occasion pour le public d'applaudir les deux équipes et les encourager sur ce dernier jam. On a dit d'encourager aussi sur ce dernier jam, par exemple. Allez, allez, allez! Et l'eau de vie qui se fait recycler. Et l'Elasticam qui est pas loin de prendre le lead mais qui ne l'a pas. Il y a une belle défense de Tarbes deux côtés, il faut le dire. Recyclage, l'élo de vie. Voilà. Hop. Double pot qui recule pour que l'élo de vie recule avec elle. Il y a des chutes, ça se bagarre sur ce jam. Ce jam, élo de vie qui finit par passer et qui prend le lead au bout de 1 minute 20 de jam. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va tenter de simplement dépasser, coller? Sachant que de l'autre côté, voilà. Elasticam vient de passer son premier tour. La fatigue est présente et on voit de plus en plus de chutes. Voilà, c'est parti pour 15 minutes de pause. 111 pour les Valiant. Je pense qu'on peut les encourager avant qu'elles aillent en pause, peut-être. Donc 111 pour les Valiant Beaches à 35 pour les Full Mecat. Metal. Full Metal. Punkette. Exactement. On va se retrouver, nous, d'ici une petite dizaine de minutes à l'antenne. Et pour le dernier mi-temps de ce championnat qui oppose les Roller Derby Côte Basse des Valiant Beaches au Roller Derby Tarbes, c'est-à-dire Metal Punkette. Ben, je te dis à tout à l'heure, Paul. À tout à l'heure, Matine. Et voilà. Merci beaucoup à tout le monde de nous suivre. Moins d'une minute avant de reprendre ce match, 30 secondes même, je suis toujours avec Paul. Comment tu vas, Paul? Bah, très bien, écoute, j'ai passé un petit moment à la buvette, il y a une formidable ambiance. Est-ce que tu as mangé? Alors, tu as goûté au talon? Alors, j'y suis pas retourné parce qu'en fait, j'avais déjà fait un petit passage et où je m'étais régalé vraiment. Je m'étais régalé avec... moi, j'avais pris un talon, le classique, le Gachna Ventrèche. Oui, un classique qui a fait ses preuves. Voilà, valeur sûre quoi. Quelques secondes avant de reprendre ce match, deuxième mi-temps du tout dernier match du week-end, même du championnat qui se dispute entre les Full Metal Punkette de Tarbes et les Valiant Beaches d'Anglet. 30 minutes sur cette deuxième période. Pour l'instant, c'est les Valiant qui mènent 111 points à 35. Un écart assez confortable qu'il va falloir consolider. Attention... Surtout que je suis allé à la pêche à l'information. Et donc, par rapport à cette histoire de classement dont nous avons parlé tout à l'heure, il semblerait que les Valiant Beaches aient besoin de faire 200 points d'écart. Ah, d'écart. D'écart, oui. Pour se placer, du coup, à la deuxième place de cette poule. D'accord. 111 points à 35 pour l'instant, donc un peu moins, 80 points d'écart, quelque chose comme ça. Voilà, à peu près. Attention, moi j'ai entendu que les Valiant avaient tendance aussi à se relâcher sur le deuxième mi-temps quand elles étaient devant. Peut-être une erreur à ne pas reproduire ici pour elles, ou peut-être une erreur à reproduire pour Tarbes, qui va essayer de réduire cet écart et pourquoi pas de prendre la tête de ce match. C'est possible, tout est possible. Ouais. Moi je suis assez confiant sur le fait qu'il y ait du spectacle, parce que c'est vrai que là du coup elles ont un objectif bien déterminé, bien clair pour elles, donc il y a moyen qu'elles réattaquent cette deuxième mi-temps avec toutes les intentions. Le corps arbitrage qui se réunit également. Mmh. On les remercie encore une fois pour leur investissement. C'est vrai que un match, c'est assez long. Mmh. Il faut être aussi très concentré. Il y a énormément d'activités sur le track. Donc c'est vraiment quelque chose de pas évident. Il n'y a pas énormément d'arbitres disponibles, surtout quand toutes les équipes sont en jeu, ce qui fait que les arbitres jouent beaucoup de matchs, arbitrent en tout cas beaucoup de matchs. Certains en sont, je crois, peut-être à 3 aujourd'hui, à 5 sur le week-end entier. Et ça commence aussi à se sentir sur leurs jambes. Et oui, parce que aussi. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, du coup, les arbitres, pour la plupart en tout cas, sont elles aussi ou eux aussi sur des patins. Mmh. Voilà, donc c'est pas simplement suivre le jeu, mais c'est aussi participer en quelque sorte, parce qu'il faut tourner pour les arbitres extérieurs au track, il faut tourner tout autour pour suivre les joueurs qu'elles doivent arbitrer. C'est ça, et parfois ça peut aller très vite, et donc à l'extérieur encore plus vite. Parfois les arbitres se laissent dépasser, c'est bien normal parce que c'est quand même assez grand finalement un track de roller derby. Je vous rappelle que c'est une espèce de piste en ovale de 4 mètres à peu près, une piste de 4 mètres qui est en ovale, qui tourne sur elle-même. Et voilà, on a un peu de retard sur la reprise de cette deuxième période qui va déterminer qui gagne entre les Fouetta Punkett et Elven Beaches. Pour l'instant c'est Valiant Beaches qui sont devant avec 111 points contre 35 points pour les Full Metal Punkett de Tarbes. Il semble qu'il semblerait qu'il divise au point, que je ne sais pas trop exactement ce qu'on attend pour l'instant. Mais on attend. Peut-être le temps aussi que les gens, que les spectateurs se remettent dans les gradins, s'installent après avoir mangé un bon talot et surtout après avoir pris leur ticket de tombola, puisque je vous rappelle qu'il y a énormément de bolo à gagner durant cette tombola qui va se faire juste après ce match, dans un peu plus d'une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes, selon le type de match. Et donc, connaissez-vous, on parlait tout à l'heure de vitesse pour tourner autour du track, est-ce que tu connais, Matine, le record de vitesse en patin? Le record de vitesse en patin, c'est-à-dire Sur une ligne droite, jusqu'à combien de kilomètres heure? Je dirais 227. Non, alors c'est moins. C'est beaucoup. C'est moins. Oui, c'est... Non, je ne sais pas du tout combien ça. Le record est de 100 km heure. 100 km heure, énorme quand on voit la taille des roues. J'imagine que c'est sur une surface plane. Ouais. Voilà, donc ça n'a pas lieu jusqu'à 100 km heure, c'est gigantesque. Vous n'auriez pas le droit de rouler comme ça sur une route départementale, par exemple. Ah non, non, non. Même une départementale à deux voies. Même à trottinette. Même à trottinette. Pendant ce temps, le match a recommencé. On a un premier jam qui s'est déjà déroulé. Il semble qu'il y a eu 2 points ou 3 points pour les Valiant Beaches. Je vois l'arbitre qui montre 2 doigts ou 3 doigts, 3 doigts. Mais j'ai pas l'impression que ce soit comptabilisé sur le tableau des scores. Est-ce que c'est moi qui me plante? C'est possible. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Voilà, Bloody Roustek Sévenel qui prend le lead. Suivi de près par Elo de Vie, il me semble. Non, Sophir, pardon. Et voilà, 4 points pris pour les Valiant, un call qui se fait immédiatement derrière. Donc ouais, on voit qu'elles reposent de suite les bases. Hein. Elles sont parties sur une dynamique de nouveau très positive, avec la volonté donc d'atteindre cette barre des 200 points. On nous signale qu'on nous entend mieux. C'est peut-être parce que voilà, on a décidé de parler un peu plus aigu. C'est vrai que ce gymnase a la particularité de ne rien comprendre dès qu'il y a un peu de grave. Donc on va essayer de parler un peu plus comme ça, n'est-ce pas Paul? Bonsoir Pignada. Allez, un nouveau jam, cette fois-ci, qui va prendre le lead. Donc voilà ce jam avec le lead qui a été pris par les Valiant Beaches. Ah, et donc voilà la jammeuse des Violent Beaches qui a pris une pénalité, donc qui se retrouve au frigo. Voilà, on est donc en power jam du côté de Roller Derby de Tarbes. Donc on peut voir qu'elle est suivie donc par l'arbitre en fait qui est responsable d'elle, dont on parlait tout à l'heure, avec le petit foulard vert au poignet. Et une petite particularité de ce power jam, c'est que c'est la jammeuse lead qui est partie en prison. Et donc elle a perdu le lead. Mais pour autant l'autre jammeuse ne récupère pas le lead. Donc il n'y a plus de lead du tout. Plus personne ne peut arrêter le jam. Et donc le jam va durer 2 minutes jusqu'à sa fin. Ce qui est l'histoire sans fin. Ce qui est très lent et du coup très très fatigant pour toutes les joueuses. Donc voilà que la jammeuse des Valiant est revenue. Hop. Aidée par la sueur, là on voit bien un travail de la bloqueuse qui l'a aidé à passer finalement. Ça y est, elle est passée. Voilà, elle a marqué ses 4 premiers points. Deux bloqueuses emprisonnées de chaque équipe alors qu'une des deux revient sur le track. Les deux équipes au complet de nouveau. Pas encore. Il y a encore une bloqueuse de Valiant qui est en prison. Donc, autant pour moi. Mais... Et voilà. Et puis, non, maintenant que je le dis, évidemment, ça se termine. C'est pas très long, finalement, 30 secondes au speak, mais c'est très long sur le terrain. 4 points de chaque côté sur ce jam. Il semblerait. Peut-être 8. Peut-être à 7. 7 pour les Van Beaches et 4 pour les Full Metal Punkettes qui sont en vert, qui jouent en vert. Je vous rappelle, vous qui nous écoutez dans votre voiture, que vous êtes sur Radio No Culture et que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet radionoculture.wordpress.com et que vous pouvez là nous écouter en direct. Pour ceux qui sont qui seraient du côté d'Anglette, vous avez encore un peu de temps, venez regarder cette fin de match, cette fin de championnat et pourquoi pas jouer à Tombola après. Nouveau jam, il y a eu des bousculades, des chutes et c'est un lead Chaton Vénère. Pour l'équipe des Valiant Beaches. Ouais, Chaton Vénère qui passe. Nadmax qui essaye de bloquer la jammeuse verte mais qui n'y arrive pas. Ouh, ça arrive très vite là du côté de l'équipe de Tarbes. Voilà, mais on a eu col. On a eu donc Chaton Vénère qui s'est fait sortir, qui s'est retourné, qui a vu la jammeuse adverse arriver très vite et qui a préféré coller, sachant qu'elle avait mis 2 points. 2 points, c'est toujours ça de prix, et qui a collé peut-être un poil trop tard et qui a laissé filer 1 point vers Tarbes. Donc à ce stade-là, nous sommes à 87 points d'écart, donc encore assez loin de l'objectif que s'est fixé l'équipe des Violent Beaches. Est-ce que ta source est sûre, Paul? Comment qualifierais-tu ta source? Alors, cela ne te regarde pas, mais j'ai des informations d'une source sûre. Très sûr. Et ça pour être second en classement. 200 points pour être second en classement. Tout à fait, oui. Devant l'équipe bayonnaise, du coup. Ça se bouscule beaucoup. Les deux équipes ont vraiment, vraiment envie de mettre des points. Et on a Hello de Vie qui tourne très, très vite autour de ce track, qui va arriver comme une bombe, apparemment, sur les bloqueuses. Ouh, et c'est Vicious Nénette qui se fait renverser. Fichus de Net 99. Et nous passons également dans un power jam. Car la jammeuse. Ouh, l'edge de jammeuse. Qu'est-ce qui se passe alors? Je vais te le demander, oui, Matine. Eh bien, quand une jammeuse est déjà en prison et que l'autre jammeuse la rejoint, la première jammeuse sort de prison. Par contre, l'autre jammeuse ne va pas y rester 30 secondes, mais il va y rester exactement le même moment que la première jammeuse. Dans ce cas-là, il me semble qu'elles sont arrivées l'une très proche de l'autre. Donc, la seconde jammeuse y est restée quelques secondes à peine. Donc c'est reparti avec deux équipes au complet. C'est ça. Par contre, puisqu'elles ont été en prison, aucune des deux n'a le lead. Les deux ont perdu le lead, qu'importe laquelle avait. Et donc on va finir ce jam au bout de seulement 2 minutes. Et donc dans 37 secondes, ce qui est très long. Et c'est pour ça que généralement dans ces cas-là, on voit des scores monter et qu'on peut tomber sur des 16 à 12. Et du coup, la jammeuse de Tarbes qui a repris... une pénalité. Exactement, qui a repris une pénalité. Je rappelle qu'au bout de 7 pénalités, au bout de 7 séjours en prison, la joueuse est exclue du track et donc ne peut plus re-rentrer. Ça ne veut pas dire que les joueurs seront seulement 5 sur le terrain, mais ça veut dire qu'il y a une joueuse en moins en réserve. Et quand c'est une jammeuse, eh bien, ce sont des joueuses assez spécialisées, donc assez difficiles à remplacer. Et vous parliez du coup de de gros scores pendant les Power Jam. Et figurez-vous, donc, le record a été établi en 2013 dans le Colorado avec un score de 50 points. 50 points, oui, dans un seul Power Jam. Bah écoute, si Tarn fait ça deux fois, elle rattrapera. Les Bayonnaises pourront passer devant au tableau. Rattraperont surtout les Valiant Beaches et passeront devant. Elles passeront devant sur ce match-là. Mais si les Violent Beaches font ça, du coup, elles franchiront la barre des 200 points d'écart. Certainement. Ce qui leur permettrait de monter d'un cran au classement général. Donc voilà, on va essayer, on va espérer voir un jam à 50 points. Ça serait inattendu, mais pourquoi pas. C'est du déjà vu. Alors que Chaton Vénère a pris le lead pour les Valiant Beaches. Chaton Vénère qui se fait sortir. Voilà, qui se fait recycler bien en arrière. Et l'eau de vie qui titube. Elle est sortie de piste. Voilà. Hein. Qui essayait de passer, n'était pas sûr d'être sortie. Et effectivement, l'arbitre lui a bien dit qu'il était sorti. Et donc, il est obligé de revenir en arrière. Voilà, les deux jammeuses sont au coude à coude. Combien on est à 8 points. À 8 points, 8 à 4 ou 8 à 0. Et c'est un call. C'est un call avec 8 points, c'est très bien. 8 points pour les Valiant Beaches qui creusent tranquillement l'écart. On est à plus de 100 points d'écart maintenant, hein, 103 points d'écart. Exactement, oui. Ah, c'est un time-out, c'est bien ça? C'est qui est demandé. Official time-out, c'est-à-dire que c'est ça, les arbitres vont clarifier certains points d'arbitrage, vont peut-être rediscuter certains points attribués à une équipe ou à l'autre. Voilà, remettre quelques... Quelques pendules à l'heure, exactement. Alors que les Monkey Track continuent à scruter le terrain pour essayer de le réparer de leurs mains. Et de leur scotch. Paul, est-ce que tu as pris tes billets pour la tombola? Mais bien sûr, Matine. J'en ai pris 4. On dirait un début de pub sur RTL. Mais sais-tu qu'il y a deux entrées au Fête de Bayonne à gagner, ainsi que des bandanas Valiant Beaches, des repas à Chopinondo. Je ne te crois pas, Matine. Des bons de 30 euros, par exemple, à la cabane à la plage au Sanois. Et pourtant, je l'ai sous les yeux, Paul. Impossible. Je peux te l'affirmer, te le confirmer. Mais où c'est qu'on trouve ça? Eh bien, c'est très simple. Tu vas dans le gymnase de la Piñata, Anglette. Et à l'entrée, tu demandes tes billets de tombola. Tu n'as plus qu'à attendre la fin du match. Et ensuite, la tombola sera faite. Et tu seras certainement gagnant. Oh, j'arrive. C'était une super pub. Je te remercie, Paul, pour ce moment de partage. J'ai ajouté le Piñata Center. Voilà, Piñata Center. Avec de l'écho. Voilà les joueuses qui se préparent à rejammer. Il reste 21 minutes à ce match, 21 minutes à ce championnat qui se termine aujourd'hui et maintenant. Et est-ce que dans les gradins, vous êtes chaud? Dans les gradins, ils sont un peu chauds, c'est bien. Voilà, ça c'est parce qu'on sent la fatigue des joueuses qui sont un peu moins dans l'action. Hop, est-ce que c'est un passage réussi? Elle passe. Voilà, l'arbitre qui fait eu la tête pour confirmer que la jammeuse n'est pas sortie, que donc elle a gagné son lead. Pour les Valiant Beaches. Peut continuer. Voilà, alors que la jammeuse verte revient de prison, il me semble. Oui. C'était un petit power jam pour les Valiant Beaches, dont elles ont profité pour prendre le lead. Et voilà que la jammeuse des Valiant Beaches marque 4 points. Mm-hmm. Pendant que la pivot de sa propre équipe écope d'une suspension de 30 secondes. C'est ça, pivot Vicious Nenette ainsi qu'une bloqueuse dont je ne vois pas le nom d'ici. La numéro 6, quoi qu'il en soit. Donc ça va être beaucoup plus difficile pour les Valiant Beaches de bloquer leur adversaire. D'où la décision de coller et du coup de mettre un terme à cette ce oui, jam. Mais sur le jam suivant, les bloqueurs seront toujours en prison. Tout à fait. Puisque les 30 secondes qui n'ont pas... Sur les 30 secondes, le temps qui n'a pas été pris sur ce jam sera reporté sur le suivant. Elle démarre donc avec seulement 2 bloqueuses contre 4 pour les vertes. C'est parti. Voilà, donc une belle défense. Ah, ça bataille, c'est Tarbes avec Sofir qui prend le lead, alors que Chaton Vénère se fait. Ah, je pensais que c'était fait recycler. Non, elle part visiblement en prison. C'est donc un power jam pour Tarbes qui va essayer d'en profiter. Voyons voir si elles vont y arriver. Ah, une bloquette qui revient, belle défense. Il y a une belle défense de belle la part. Belle défense, oui. Ah, mais voilà. Valentis, belle action du pivot de l'équipe de Tarbes qui a aidé du coup sa jammeuse à franchir le pack. Elle a trouvé la petite faille et s'est infiltrée dedans. Ah, Sofir qui revient. On est parti pour un tour. Sofir qui revient tête baissée pour se faire le plus petite possible. Et là, sa bataille. Ah oui, oui, oui. Ah, pendant que le pack de Tarbes se prépare à recevoir Chaton Vénère, donc, qui est visiblement très vénère et qui finit par passer. Oh si, elle ah finit oui, par après passer. Une belle percussion. C'est ça, après une belle percussion, une belle défense de Tarbes et finit par passer. Alors que la jammeuse de Tarbes, elle ne passe toujours pas. Oui, très joli. Le public est en délire. Très joli mouvement de la part de Chaton Vénère qui a sauté au-dessus du track. C'est-à-dire que dans le virage, elle peut sauter tant qu'elle ne touche pas l'extérieur du track. Elle peut sauter et passer d'une partie à l'autre. Véritable saut de cabri. Exactement. Ainsi, elle évite les bloqueuses adverses. Mais bon, c'est quand même un saut qui est risqué. Non seulement parce que c'est loin déjà et que si elle prend un coup pendant son saut, elle peut se faire envoyer pêtre bien loin. Un vrai spectacle. Allez, c'est reparti. Et oui, par l'extérieur. C'est très filou. C'est pris par l'extérieur par Elo Devi qui prend le lead sur ce jam-là pour Tarbes. Pendant que Bloody Roustek bataille toujours contre Tarbes pour prendre son premier tour. Ce qu'elle voilà vient de faire. Voilà, Elo Devi qui s'est fait recycler à son tour. Une belle défense, hein, un pour un. Voilà, et l'O2J qui colle juste avant que le Bloody Roustek n'arrive pour éviter de s'infliger des points, ou plutôt de donner des points à l'adversaire. Et très belle défense de Adrenalis, hein, du coup, qui en un pour un a réussi à stopper la jammeuse adverse. Mmh. Et Tarbes qui a quand même mis un petit point. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. 152 pardon, pour les Valiant Beaches et 44 points pour les Full Metal Punkettes de Tarbes. Et c'est reparti. Est-ce qu'il y a des joueurs en prison? Il n'y a personne en prison. On est à 5 contre 5 et c'est Chaton Vénère qui prend le lead pour les Valiant Beaches et qui a décidément, elle a envie d'en démordre. Elle roule très très vite pour faire son tour. Ah oui, c'est très impressionnant. Sofir qui bouscule tout le monde et qui finit par passer. Qui fait par passer Sofir qui fait donc son premier retour. Là, ça accélère dans le virage. Ça accélère. Avec Chaton Vénère qui essaie de revenir sur. Chaton Vénère, oh, oui. Chaton Vénère qui est passé, qui a dépassé la joueuse adverse et qui a pu, il me semble, mettre ses quatre points avant de faire un call et d'arrêter ce jam. On est à 156 contre 44 en faveur des Valiant Beaches d'Anglette. Très belle maîtrise technique, hein, du coup, de Chaton Vénère. Mmh. Chaton Vénère connu autrefois sous le nom Théhystérique. Oh, sacré blaze. Mmh. Mais elle préfère être vénère qu'hystérique. Allez, c'est parti pour ce jam. Nous avons double pot. Double pot pour les Valiant qui prend le lead. Double pot qui n'est pas souvent jammeuse, qui a plutôt un poste de bloqueuse et qui a été jammeuse souvent avant et qui là, je pense, dû à la fatigue de son équipe, a fini par prendre ce poste-là. Bah, c'est vrai que dans toutes les équipes, on a besoin de joueurs couteau suisse. Hein. C'est ça. Il y a des personnes qui... C'est ça. Voilà. L'avantage de double pot, c'est qu'elle s'est peut-être moins fatiguée que les autres jammeuses qui ont besoin d'un gros cardio qui s'épuise beaucoup, peut-être un peu plus que les bloqueuses qui sont là pour défendre et qui vont recevoir peut-être plus de coups, et le fait de mettre quelqu'un d'un peu plus frais va peut-être les aider à accélérer le jeu aux dépens de Tarbes. Je dis ça mais double pot a du mal à passer. Tarbes défend très très bien. Yvrette de Tarbes qui empêche complètement double pot de passer au point de la forcer à faire un call et arrêter ce jam alors qu'elle n'a pas mis de point mais ils voulaient simplement empêcher l'autre équipe, donc Tarbes, de mettre ses propres points. Ce qu'elles ont fait tout de même, 3 points pour Tarbes sur ce jam et 4 points pour les Van Beaches. Voilà, pour un total du coup, nous rappelons, de 160 points pour les Valiant Beaches à 47 pour le Roller Derby de Tarbes, les Full Metal Punkettes. C'est ça, 14 minutes. Et on peut peut-être applaudir ces joueuses à 14 minutes de la fin. Pour ce dernier match de la dernière journée de National 2. C'est ça. Ouais, elles ont besoin de votre soutien, que ce soit une équipe ou l'autre. Les deux ont leur objectif. Et les deux ont envie de passer surtout un bon moment avec une bonne ambiance. Ah, voilà la sueur qui écope d'une pénalité, qui se retrouve au frigo. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah oui. Et Vicious Nenette qui a récupéré, il me semble, l'étoile. C'était un star pass. Elle a fait un star pass. Puisque j'étais... Voilà, ça commence à crier. Ça y est, on est à 13 minutes de la fin. Ça commence à crier dans les radins. Ça commence les à... choses s'emballent. Là, les esprits commencent à s'échauffer. 13 minutes, un peu plus de 13 minutes de la fin de ce match. 161 pour les Van Beaches, 51 pour le Roller Derby de Tarbes, c'est-à-dire le Full Metal Punkettes. 110 points d'écart. C'est un écart assez confortable pour les Valiantes. Il ne faut pas qu'elles se laissent dépasser toutefois. Et puis, si possible, continuer à marquer des points. Hein. Des points, rien n'est joué, joué jusqu'à la dernière seconde. Belle défense de Jane. Mais ça ne suffira pas. Le lead est pris. Il y a une belle défense des deux côtés, vraiment. Ça défend bien. Ah, ah, ah. Cam Cam qui revient. Et Elo Devi qui s'est... Elle aura beaucoup donné hein, aujourd'hui. Elo Devi, oui. Ouais. Devi qui est tombé, qui s'est fait recycler, qui se fait encore recycler. Donc nous avons Elasticam qui a le lead, qui a déjà mis 4 points, qui va tenter d'en mettre 4 de plus sur ce tour. Belle percussion là sur son adversaire, elle a pris le dessus, elle accélère, elle se retrouve à 1 contre 1 face à une défense solide de la part de Tarbes. Va-t-elle trouver la faille? De l'autre côté, Elo Devi, elle aussi se bat férocement, farouchement face au bloc des Valiant Beaches. Mais... Elastigirl qui se fait recycler aussi régulièrement. Ouais, ouais. Ce qui est un bon geste dans la vie réelle, mais un mauvais pour les Valiennes dans ce cas-là. Et ça, on sent la fatigue aussi. La fatigue, les joueurs sont un peu plus hargneuses, un peu moins dans la finesse. Les esprits s'échauffent. Tout à fait, Thierry. Ouh là là, ouais, là on sent des chutes vraiment liées à la fatigue. Ce n'est pas un manque de technique, c'est vraiment voilà, le cumul des matchs de tout ce week-end. Ah, les deux blocs en plus. Et de l'intensité aussi qu'il y a pu avoir. Hein. Les deux blocs étaient vraiment ensemble, donc on a un énorme bloc composé de 10 joueuses qui s'entrechoquent. Ah, Elo Devi, pardon, qui semble épuisée. Elle a l'air carpette. Qui semble épuisée, malheureusement. Et là, j'ai l'impression que la cabane est tombée sur le chien. Là, ça semble difficile pour les joueuses de Tarbes. Ouais, les joueuses se repositionnent tranquillement. Là, elles sont, on est à 10 minutes de la fin. Les joueuses se sont épuisées après un week-end de derby, après une saison de championnat aussi. Et tout ceci dans un week-end de Saint-Patrick. Exactement, en plus. Chaton Vénère qui prend le lead pour les Valiant Beaches assez rapidement. Et de l'autre côté, on a qui c'est Sophie, je crois. Et double pot qui fait un beau blocage également sur la jameuse. Double pot et Nénette qui travaillent bien ensemble. Et qui ont permis du coup à leur jameuse de marquer 4 points. Très belle magnifique, le public peut applaudir là parce qu'on a vraiment quelque chose de très beau qui vient de se passer. Très, très belle esquive de Chaton Vénère qui se gargarise d'avoir réussi un coup pareil. Ah ouais. Et il a bien raison, Chaton Vénère 75. Et elle est repassée avec un petit saut dans l'intérieur du track. Formidable, et c'est un col. C'est un col avec 12 points. Très, 12 très beaux points en 3 tours. Peut-être plus, non ? Il me semble que c'est 12 points. 180 à 51 ouais. pour l'instant raison, à l'avantage des Valiant Beaches d'Anglet. Moins de 10 minutes maintenant, on est sur les 10 dernières minutes du match et du championnat, je vous le rappelle. Et je vous rappelle aussi que derrière, il y aura une petite tombola pas piquée d'Antoine avec beaucoup, beaucoup de l'eau. N'hésitez donc pas. Voilà, j'entends quelqu'un qui applaudit pour la tombola, vous avez bien raison. Voilà, alors que les équipes discutent entre elles, un team timeout d'une minute maximum, je vous rappelle. Nous, on peut discuter Talo. Nous, on peut discuter Talo. Ils étaient bons, ce Talo. Hein. Ah, ils étaient très bons. Ils étaient très bons, ce Talo. N'hésitez pas. Je pense qu'il a... Cheddar vegan. Fromage. Ouais. Cheddar vegan, il est très, très bon. Avec Ventrèche. Alors là, Ventrèche. C'est... Le combo est beau. Un peu atypique, hein, aussi. Certes, véganisme. Certes, mais pourquoi pas tenter des choses. Voilà. Les traditions, c'est bien, mais il ne faut pas que ça confine voilà. au conservatisme. Alors, voilà. Et puis, ça va dans les valeurs et l'esprit du roller derby, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. On est vraiment dans un très bon état d'esprit ici, à la salle des Pignadas d'Anglet. Allez, il reste 10 minutes pour encourager ces joueuses pour les 10 dernières minutes du match et du championnat. Une belle ambiance ici, je ne sais pas si ça s'entend beaucoup la radio, il y a une belle ambiance. Tous ces cris et ces applaudissements. Ouais, c'est parti pour ce jam, 15e jam de cette seconde période qui va poser en jammeuse Bloody Roustek à Hello de Vie. Et leur bloqueuse. Allez, Bloody Roustek qui est un peu devant, qui a un peu d'avantage, mais qui ne passe toujours pas. Très belle défense du bloc des Valiant Beaches également. Qui ne laisse pas vraiment pas passer leur Hello de Vie qui finalement y arrive quand même. Alors que Bloody Roustek a donc traîné un peu et sans que Hello de Vie qui prend le lead sur ce jam. Voilà, Hello de Vie qui s'est faite recycler, mais qui ayant le jam a quand même à coller. Voilà, mieux vaut ne pas tenter de prendre de points plutôt que de laisser les autres en prendre. Ça va dans les gradins ? Qui c'est qui va gagner à votre avis ? Moi j'ai pas entendu, je sais pas. Hein ? Je sais pas ce qu'il dit, j'entends pas, il crie pas assez fort. Qui c'est qui va gagner ? Bon, je pense que c'est d'abord le fair play qui va gagner. Voilà, d'abord les valeurs du roller derby qui vont gagner. Et ça c'est bien ça. C'est beau. On peut peut-être faire un peu de bruit aussi pour les arbitres et tous les bénévoles qui sont là. Et pour Ja aussi, le chien mascotte qui nous a suivi tout au long de la journée. Tout à fait, un peu de bruit pour Ja, notre petite mascotte qui est là sous la table avec nous. Allez, Ja. Fais ouf ouf. Elle n'a pas envie de faire ouf. Non. Elle aussi, elle est épuisée. Elle a passé tout le week-end ici. Elle a passé tout le week-end ici, c'est vrai. On avait donc un official timeout qui a pris fin. On va reprendre le match alors qu'il reste 8 minutes et 11 secondes sur ce dernier match du championnat. À 180 points pour les Valiant Beaches et 54 pour les Full Metal Punkettes. Voilà, elles qui ont marqué du coup 3 points sur le dernier jam. Mm-hmm. Là, on voit le regard déterminé de la sueur là, qui impose de suite Avec un maquillage, sa patte. Un maquillage inspiré du black metal. Oh. Allez, c'est parti. Les deux jammeuses sont au coude avec leurs adversaires bloqueuses. Au coude d'anche. Au coude d'anche, exactement. Et c'est Cam Cam qui prend le lead. Elasticam. Cam Cam de son ancien nom. Elasticam de son nouveau nom. Et alors que ça joue des épaules. Hein. Ah, ça joue des épaules. Sophir qui finit par passer les bloqueuses des Valiant. Elasticam qui va essayer, elle, de mettre des points. Et qui colle. Combien de points est-ce qu'elle a mis ? 4, j'ai l'impression. 3 points. 3 points. Est-ce que Tarb a mis des points ? Je ne crois pas. Ah, 1. Certainement. 1 point. Oui, 1 point, c'est ça. 3 points de plus pour les Valiant, 1 point de plus pour les Metal Punkettes. On est à 7 minutes de la fin. personne en prison. Finalement, il n'y a pas tant de fautes que ça sur cette fin de mi-temps là. C'est vrai que c'est assez étonnant pour une fin de match, sur une fin de championnat en plus, où les joueurs sont vraiment fatigués, où les fautes peuvent arriver vite. Voilà, Chaton Vénère qui a pris le lead, vite suivi par Elo De Vie. Il n'y a pas de faute, mais ça tombe quand même, ça chute. Voilà, 4 points, il me semble, pour les Valiantes, ça colle tout de suite derrière. On assure les 4 points, on ne va pas essayer d'aller plus loin. Et surtout, n'hésitez pas aussi à acheter des tickets tombola, hein. Ça aide beaucoup le club à payer tout ce qui se passe ici, aussi à payer des placements des joueuses, etc. Certaines viennent de loin, je pense à Albi, à Bordeaux, à Pibrac. Avec de très beaux lots à gagner, hein. Je vois 3 places pour un match de l'Ormadi, un coffret Monsieur Chocolat. Monsieur Chocolat. Monsieur Chocolat. Chocolat, TX, Chocolat. Oh. Et 2 entrées à la patinoire d'Anglette également, un lot de bière, Rochy, dont tu nous parlais tout à l'heure. Rosny, qui est la bière qu'on déguste depuis 2 jours. Voilà, Sophir qui a pris le lead sur ce jam, qui se fait recycler derrière, qui n'a pas encore pu mettre de points. Et un star pass du côté des Valiantes, mais qui ne va pas déboucher sur grand-chose, puisque Sophir a préféré coller, donc arrêter le jam sans mettre de points, mais sans subir. Ah si, en mettant un point. En mettant un point et en subissant pas. Ouais, belle vista. Allez, voilà les joueurs qui se préparent à se relancer pour un nouveau jam à 5 minutes de la fin de cette mi-temps. Pour rappel, 187 à 56 pour les Valiant Beaches. Et ça joue bien, hein. C'est un beau match. Elles sont fatiguées. Toutefois, il n'y a vraiment pas beaucoup de fautes sur cette deuxième mi-temps. Et voilà que le lead est pris par les Valiant Beaches de nouveau. Mm-hmm. Grâce à Elasticam. Elle a aussi beaucoup marqué cet après-midi, Elasticam. Enfin, double pot, quelqu'un qui va en prison. Je ne sais pas si c'est la première fois de la deuxième manche, mais en tout cas, c'est assez rapide pour signaler. Double pot bloqueuse des Valiant Beaches qui est en prison, qui donne donc un avantage à Tarbes. Tarbes qui est en vert, je le rappelle. Ça se bouscule. Alors, Elasticam, est-ce qu'elle passe ? 4 passe. Points. Elle 4 passe. Points d'Angers. 4 points de plus pour les Valiant Beaches. Ouais, alors que les bloqueuses se remettent en place. Alors je ne sais pas si... Oh là là, oui, Elasticam qui dépasse les bloqueuses vertes. Et alors, est-ce que Elo De Vie est déjà passée une fois ou pas ? Elo De Vie, j'ai pas l'impression qu'elle soit passée. Donc là, pour l'instant, Elasticam n'est pas trop inquiété. C'est et ça. Finalement, Elo De Vie est en train de battre contre Nadmax qui la sort, qui la recycle constamment. Elo De Vie, qui te rappelle, est quand même est assez fatiguée. Elle a beaucoup joué. Oh, Elo De Vie qui a failli se faire recycler, mais qui a profité de cette poussée pour finalement prendre l'élan au lieu de se faire sortir. Petite propulsion. Voilà. Et voilà la sueur qui revient sur le terrain après avoir écopé d'une petite peine de prison de 30 secondes, pour rappel. Il reste 3 minutes 30 à et ce match. 4 points de plus pour les Valiantes. On monte à 12. Elasticam se demande si elle doit coller ou pas. Elle regarde sa coach. Elle prend les instructions de sa coach. Elle a l'air épuisée. Et apparemment, sa coach lui a dit de tenter encore 4 points. Et voilà. Elle a eu raison. Elle a pris 4 points par l'intérieur. Ce qui fait monter à 16 points sur ce jam. Ce qui est un jam. Très, très beau score. Ça se pointe à 0, hein, évidemment. Très beau score. Et les joueuses de Devon Beaches qui dépassent les 200 points. On peut les applaudir pour ça. 200 points, c'est quand même pas dégueulasse. Alors qu'il reste moins de 3 minutes sur ce match, on est à presque 150 points d'écart. C'est le moment peut-être de tenter des choses, de creuser l'écart ou de l'amoindrir selon votre équipe. Ah, pour rappel, ça a déjà été fait en 2013, hein, 50 points en un Empowered Jam. Hein, tout à fait, Bloody Rooster qui prend le lead pour les Valiant Beaches. Nous pouvons rêver. Allez. Allez, on encourage les joueuses. Pour la fin, il reste 2 minutes. C'est maintenant qu'elles vont commencer à prendre des risques. C'est le moment de les encourager. Beau recyclage là de la part de Boobs Attack. Bloody Roustek qui fait un call, n'ayant pas mis, il me semble, de points. Ça va dans les radins? Vous êtes content d'être là? Vous avez acheté des tickets de tombola? Vous pouvez vous applaudir vous aussi, hein, parce que sans vous, tout ça ne serait pas possible. Alors bravo le public. Vous êtes moins chaud pour vous applaudir vous-même, c'est beau finalement. Allez, 1 minute 30, on peut continuer à applaudir ces joueuses pour ce qui va être certainement l'avant-dernier jam. Avec peut-être un lead même le dernier. Pris par Chaton Vénère. Voilà, 106 points contre 56, on est à 150 points d'écart entre les deux équipes. On va voir si Chaton Vénère va réussir à creuser l'écart de 50 points et battre le record du monde. Elle en a déjà 4. Allez, plus que 46 et elle bat le record du monde. Rappelons que le World Guinness est présent aujourd'hui, donc sait-on jamais, nous pourrions inscrire un nouveau record. Chaton Vénère. Est-ce que elle en a 8. Chaton Vénère qui est passé. Et elle qui colle. Qui colle à 57 secondes de la fin. On va donc avoir un dernier jump, peut-être deux. Il me semble que la règle, c'est qu'on ne fait plus de jump en dessous de 30 secondes. Il D'accord. me semble, mais je ne suis pas sûr de ça. En tout cas, nous avions assisté à une question de ce type lors d'une rencontre opposant Bayonne en Anglette la dernière journée de Tarbes. Hein. C'est ça, donc sur la première partie de ces mêmes championnats que nous sommes en train de suivre. 30 secondes, allez on encourage. Allez, 30 on les encourage. Secondes. Il reste 30 secondes, on encourage ces équipes qui ont très très bien joué jusqu'ici. 24 secondes. Allez, pour qui allez, vous êtes dans le gradin? Vous êtes pour qui? Chaton Vénère qui prend le lead sur ce tout dernier jam. Qui arrive comme une bombe dans le, voilà, là, dans le trafic là. Oh là là là là là là là là là là. Un arrêt buffé là directement sur Chaton Vénère. Mais qui se relève Yigiko et qui repasse. Aïe, il se fait recycler. Incroyable, quelle fin de match. Pendant ce temps, Sophie est passée. Voilà, Chaton Vénère qui est décidément bien vénère. Là voilà, le jeu peut être terminé quand elle le veut. À Chaton Vénère de décider si elle préfère essayer de marquer des points en beauté ou si elle préfère filer. Elle donne tout là, elle se bat jusqu'à la dernière seconde. Allez, on les encourage. Allez, Chaton Vénère. Elle s'est passée. Et c'est terminé Chaton Vénère qui a collé. Ah non, oh. non, elle n'a pas non, collé. Ça continue, hein. Alors. Ça enfin, continue. C'est le tableau. C'est elle le tableau. Est repassée, elle va repasser. Ça continue. Elle n'a pas collé, pardon, c'est le tableau qui m'a. Et là, ça y est, elle colle. Ah, elle colle, Françoise. Fin du match. On applaudit bien ces deux équipes. Bravo. Merci pour ce spectacle. On a un score pour l'instant non officiel de 218 à 56 en faveur des Valiant Beaches qui ont très certainement remporté ce match avant que tout change, mais ça serait quand même très, très étonnant. On va attendre quand même d'avoir le résultat officiel qui sera donné dans quelques secondes. En attendant, vous pouvez aller descendre, prendre vos tickets tombola. On rappelle que Justine, l'arbitre, est toujours, comme d'habitude, devant le tableau. Ça ne change toujours pas. Merci Justine de nous gâcher la vie. Merci Justine. Score non officiel pour l'instant de 218 à 56. Est-ce que ça va changer? On attend de voir... Dans tous les cas, on peut quand même applaudir ces deux équipes qui nous ont donné un très très beau dernier match en championnat. On les applaudit s'il vous plaît. Allez, on les applaudit. Avec une très belle scène de liesse autour de ces deux équipes. Très bel état d'esprit. Allez. Ah, 222 points finalement pour les Valiant apparemment contre 56 pour Tarbes. On rappelle que ces points-là sont importants pour le classement. Alors 221 finalement. Est-ce que ça va encore changer? Je ne sais pas. Paul, un rapide calcul, combien d'écart il y a entre ces deux scores? Alors si je soustrais 221 à maintenant 5. Alors si les scores changent, je ne peux plus. Les scores changent. 224 à 57. On peut applaudir ces deux équipes qui vraiment vont se féliciter entre elles. Et score final, c'est parti, 124 à 57. Et on peut applaudir encore une fois les Valiant Beaches qui ont gagné ce match. On peut aussi applaudir le Roller Derby Tarbes, les Full Metal Punkettes qui ont livré une grosse, grosse performance. Vous pouvez tous descendre aussi depuis les radins sur le track pour féliciter les joueuses. Participer au tirage de tombola et acheter des tickets de tombola. Moi aussi. Et pourquoi pas un superbe talot. Un talot après. Vegan Ventrèche. Et on va applaudir toutes les joueuses de toutes les équipes qui ont toutes très très bien joué ce week-end. Ils ont fourni 7 très très beaux matchs, 14 matchs sur tout le championnat. C'était à Tarbes il y a quelques mois. Vous pouvez descendre. Un grand merci à l'équipe des Médics. Merci à toutes les joueuses. Aussi tous les bénévoles qui ont participé à cette organisation. Et merci à vous. Merci à vous, public. Bravo, bravo à tout le monde, toutes les équipes. C'était vraiment un super week-end. Vous êtes beautiful. C'était vraiment très cool aussi de tout retransmettre sur Radio Nos Cultures. Je vous rappelle, radionoculture.wordpress.com pour écouter toutes nos émissions. Merci à toi, Mathilde, pour cet accueil et également. Merci, merci à toi, Paul, et à tous les autres speakers. On était, je crois, une dizaine sur ces deux jours à se repasser le micro. Et voilà, les joueuses vont passer, je félicite entre elles, elles vont repasser entre vous. Voilà, un grand bravo à tout le monde! Et merci, on se retrouve pour le prochain match. Je sais pas comment c'est, il me semble qu'il y a un match fin avril ici en Anglette. Vous pouvez vous renseigner sur les Facebook, Instagram, tout ça. Merci à tout le monde, salut!